le son est gore. L'alliance est ok. Trilogie la souche riche, t'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. T'en veux encore, l'alliance est ok. Trilogie la souche riche, t'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. Ramène sa trilogie. Poste à soudure et la soucherie. Mais un son dur entre moins de soudure et coup dur. Tu rougis aussi fâché que le crossbeak. Mon dar m'a acheté quand j'avais 6. Je piquerai, j'étais un lot pile ami. Oui oui, du 7-7 au 93. Alliance en dièse, fais ta débrouiller les oreilles. Des mecs postés sur les chaises de l'Elysée. Et gâté, motherfucker. On m'a traîné dans la boue, on m'a trahi, on m'a sali. Trilogie la soucherie, on s'allie, on satisfait ton envie de frisson. C'est street street monnayeur, antisocial en combinaison. Alliance sort la loi comme un brolique dans un bolide. Fréquenter mes homies, faut avoir les reins solides. C'est la guerre, j'ai du sang sur la lance. Sans pas vulgaire, on pourrait couper la langue. Le son est gore, l'alliance est ok. Trilogie la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. T'en veux encore, l'alliance est ok. Trilogie la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. Soucherie, trio gangsta, t'es pas taille. On fait des king size, laisse passer le flow quand on détale. Faut qu'on s'installe, car on bosse en AD. Pour stopper les condés, les textes blindés. N'importe que tu ne peux pas dégonder. Bang bang, c'est le son, car mon sujet fait de bang. Pour les frères, une alliance pour ton équipe. Soucherie, trilogie dans l'intitulé. Et on prend le temps de poser pour les vrais. Ceux qui luttent, ceux qui nous sont chers. C'est l'alliance, la soucherie, trilogie. On vient secouer des puces, qu'est-ce que t'en dis? En temps de guerre, on sait à qui s'allier. On n'invite pas n'importe qui dans notre atelier. On prépare un rap, on prépare une boucherie. Fuck le système, on l'éclate avec la soucherie. Dans nos gènes, on a la souche du repère. On balance les fumigènes, on te couche et on se fait la paix. Le son est gore, l'alliance est ok. Trilogie la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. T'en veux encore, l'alliance est ok. Trilogie la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. Jamais on perd d'authenticité. La soucherie est trilogie. Tu sais bien qu'on a la capacité de démonter le système. Y'a que nos lyrics t'emmènent loin de ce monde de haine. Mais c'est la même pour tout le monde. Y'a du lourd sur les ondes. La soucherie, trilogie, on débarque comme une fonde. Kiffe bien ce son, ouais lourd. Et ça peut bien pas des tours. Trilogie, la soucherie, on fait l'alliance, rime sale, crois pas qu'on gaulerie. Appelle-nous les loups, le rap c'est la bergerie. On grimpe seul tout, pas de maille, on est pas chérie. Est-ce qu'on fait, on le fait sans supercherie. C'est lyricalement vénère, rap hardcore, rap corps, c'est gore comme un thriller. Trilogie, la soucherie, face au MC. Ouais, on est en mode serial killer. Le son est gore, l'alliance est ok. Trilogie, la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. T'en veux encore, l'alliance est ok. Trilogie, la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. La passe est easy, elle va te toucher et toucher, on s'allie. Pour assurer le KO, nique ta mère, S-A-R-K-O. J'fuck Bruni et baffe les faux MC. Je sais que c'est bon, du bon son, toute tension. Rap hardcore, rap team, évolution. Trilogie, la sushi en alliance. Grenade Uzi, attention, sanction. Le son est gore, l'alliance est ok. Trilogie, la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille, dans nos cœurs et dans nos quartiers. T'en veux encore, l'alliance est ok. Trilogie, la soucherie, j't'en prie, sois pas choqué. On débarque, on s'allie pour tout plier. Même père et même faille.